France Inter, franceinter.com. Bonjour Dominique Delaroy, merci Bonjour. Beaucoup. On vous retrouve à midi et oui, nous sommes bien à Marseille. C'est parti Marco. Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est la panique en direct du Vieux Port, épisode 175. Bienvenue à toi dans ce monde archi loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 18 octobre 2009, 11h05. Bonjour à toi l'ami et bonjour à toi Marseille. Bien, avant tout ce matin, tu es très intrigué par ce retour tant attendu de Nicolas Sarkozy sur la commune de Gandrange jeudi dernier. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Écoutez, dans le milieu très fermé des présidents de la République, c'est ce qu'on appelle une garcimore. C'est tiré du nom de cet illustre magicien espagnol. C'est une technique qui consiste à agiter la main gauche pour faire disparaître un foulard avec la main droite. Ah, vous voulez dire que c'est une diversion ? Voilà. La main gauche, c'est Gandrange, et la main droite, c'est Jean Sarkozy. Oui, tu l'as bien compris, l'ami. Ce matin, tu redécouvres ici les absurdités du monde qui t'entoure. Ainsi, voici la première émission publique du Mangin Palace, puisqu'à l'occasion de la Fiesta des Suds, nous avons délocalisé notre beau barnum burlesque sous la verrière de la Samaritaine sur le Vieux Port de Marseille. Alors communions ensemble, chers amis, durant 53 minutes, au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du jau d'un Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici donc la liturgie phocéenne de notre joyeux audio-rama contre les assauts de la morosité. Eh bien, selon notre protocole, nous commencerons bien sûr par notre espiègle office freudien, durant lequel nous croiserons ce matin un prévôt des marchands, puis un marchand de tapis, et enfin deux gros édiles. Dans la foulée, nous irons à la rencontre d'un homme qui compte dans l'histoire de Marseille, le docteur François Mireur. Ensuite, nous descendrons subrepticement dans les sous-sols obscurs et sinueux de l'INA, où nos joyeux fantômes radiophoniques s'exprime désormais avec l'accent du Sud. Immédiatement après, nous n'irons pas à Grosboul-les-Bains, car figure-toi que Jean-Claude et Monique se sont également pointés à Marseille ce week-end à la recherche de la chanteuse Nina Hagen en concert à la Fiesta des Suds. Et puis, nous enchaînerons bien sûr avec le dictionnaire imaginaire de notre facétieux reporter. Et ce matin, nous t'offrirons une définition de l'expression « peu cher ». Et enfin, peu avant midi, afin de ne rien oublier de ces absurdes actualités, notre petit kiosque sévèrement fourni t'ouvrira ses portes pour une authentique mais curieuse revue de presse. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est sacrément bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Vieux Port. Alors bien sûr, monte le son et profite de cette canebière pression. So let me put my big brown beef on. I'm coming with the disco, I can flip so I'ma drop a solo tip. Something for the honeys in the crowd, let me hear it, so I can turn the party out till tomorrow afternoon. Cause when I grips my stills, no one leaves the room. So tell me, can you feel the mask girls coming with the fever, fever, fever? Set to the side, you gotta run and hide. More to the side. on his back so you can break your flares out. Interest in the only one we got it going on, so let me get my flowing on. Hit the blast on the past, then he heard her. Me and the boys coming down with murder, and it's gotta be the way. Everybody wants to make a move, so just party, or we can have a jam. So get your move on, I'ma take this groove and slam. Flip it how I want it, flip from the back to the front when I drops me the manuscript. Cause I got the moves, and I'm always on the flow with the crazy, crazy grooves. Tell me, can you feel the mad skills coming with the fever, fever, fever? Staying Alive, une version revisitée en 1995 par le gangsta rap britannique N-Trance. En trance, c'est aussi notre désir marseillais ce matin. En scène pour le merveilleux prologue. En scène pour la plus belle revue parisienne présentée à Marseille. En scène pour éblouir le public le plus connaisseur du monde. Eh bien, remercions ce marseillais bidon que fut Maurice Chevalier. Et à 11h11, découvrons le prologue des modestes aventures laïques de ce 175e épisode du Mangin Palace. Avant tout, il s'agit de te vautrer confortablement, bien sûr, afin de profiter au mieux de notre petite session freudienne en compagnie de Monsieur Divan Beaujolais, avec qui nous te proposons ce matin une petite fable marseillaise intitulée « Le prévôt des marchands, le marchand de tapis et les deux gros édiles ». Allez, en route maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Cette histoire est tirée de faits réels. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, c'est Marseille. J'ai remarqué, je suis pas totalement attardé. Nous sommes donc dans la capitale de la zone méditerranéenne française, Marseille. Tu l'as déjà dit. Dont le maire est monsieur. Je vais compulser mes notes sur l'histoire. 33 ans sous l'empire d'un seul homme, Gaston Defer. Defer, une première. Difficile de parler de soi. Je suis maire depuis plusieurs années. J'aime Marseille. Mais t'émotionnes pas comme ça. La fonction de maire a ceci de tonifiant, c'est qu'on a le sentiment d'être utile. Oui, mais ça se tenait pas comme une épicerie. Hein. On n'avait pas d'heure, on vivait pour les autres. En ce qui concerne l'activité de Marseille, les Marseillais sont travailleurs. À 8h du matin, on est au bureau ici, et à Paris. C'est toujours le jour, ce boulot, tu vois. Rien qu'aujourd'hui, je fume genre 10 joints, puis ensuite... Ah. Les Marseillais sont intelligents, rapides, mais ils sont gays. Ils travaillent, mais dans la bonne humeur. Ça veut absolument rien dire, mais je trouve que c'est assez dans le ton. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Le satellite Bernard Tapie. Un autre champion de la libre entreprise. Et sur la rampe de lancement. Le roi du porte-à-porte. Le plus talentueux des camelots. Il ne reste plus qu'à le placer sur l'orbite de l'Olympique de Marseille. Toujours sur la route. Avec comme fusée Gaston Defer. Et pour cause. J'espère donc que très vite, tous les problèmes seront réglés et que bientôt l'OM gagnera ses matchs. Vous voyez de quoi il parle ? Pas la moindre idée. Le vrai problème, c'était de savoir si Marseille mesurait l'importance que ça représente d'avoir à la fois un bon club et des personnalités qui sont crédibles. Pour qu'on parle de Marseille, non pas pour dire qu'il y a eu un règlement de compte, mais pour dire que c'est une ville moderne, dynamique, enthousiaste et qui gagne. Mais l'important là-dedans, c'est qu'on va se mettre de l'argent plein les poches. 17 mai 1986, 5 jours après les obsèques solennelles de Gaston Defer, Marseille se donne un nouveau maire. Salut, Je ne crois pas vous connaître. Robert Vigouroux gère donc son affaire comme d'autres leur budget familial. Plus de bon sens que de technique, plus d'intuition que de calcul. Je vois que tu me connais très bien. Je n'abandonnais pas un métier que j'aimais beaucoup pour venir avoir un titre pendant 3 ans. Je sais que pour pouvoir exprimer ce que l'on pense, ce que l'on veut faire, il faut quand même un certain nombre d'années. Vous avez une ambition pour Marseille ? Laquelle ? L'ambition que Marseille soit une ville prospère où tous puissent être heureux. Excusez-moi, enfin c'est quand même ce qu'on demande le plus, hein. Et le vainqueur est donc Marseille. La cité phocéenne vient de se voir décerner le titre de capitale européenne de la culture 2013. Tout se passe bien ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est Christine Albanel, la ministre de la Culture, qui l'a annoncé cet après-midi, d'où la joie de Jean-Claude Godin. Ce gars-là a de super relations, c'est pas de la petite bière. C'est un symbole, nous sommes à la fois un trait d'union à Marseille, ville de 2600 ans d'existence qui s'est faite strate par strate, où l'étranger est accueilli avec un E majuscule. Là-bas on a des amis, mais faut y aller. Vous savez tout ça. Mais c'est un lien, une courroie de transmission entre l'Europe du Nord et tous les pays riverains de la Méditerranée. Oh ouais, ça va être super, une gigateuf dans le jardin municipal. Alors, après Jean-Claude Godin, passons dès à présent à une autre figure de la région, à savoir le docteur François Mireur. Mais qui est donc ce Lascar ? Eh bien, notre présence à Marseille va nous permettre ce matin de découvrir ce type qui s'est pointé sur la Canebière le 22 juin 1792. Nous sommes en pleine révolution, bien sûr, et ce délégué montpelliérain du Club des Amis de la Constitution déboule à Marseille car il est chargé, figure-toi, de coordonner le départ des volontaires qui veulent aller se battre pour défendre la patrie en danger face aux armées coalisées des monarchies européennes. Et en ce début d'été 1792, François Mireur est l'invité d'honneur d'un banquet à la fin duquel il propose de chanter une chanson entendue à Montpellier quelques jours plus tôt. Tous ensemble, s'il vous plaît, la Marseillaise. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. Oui, le 22 juin 1792, c'est ce François Mireur, aux accents gauliens, qui fait découvrir aux Marseillais ce texte écrit à Strasbourg par Rouget de Lisle pour l'armée du Rhin et qui suscite chez eux un énorme enthousiasme. D'ailleurs, les fédérés phocéens décident aussitôt d'en faire leur champ de marche pour rallier la capitale. Et très vite, dans les bas-fonds marseillais, on entend les patriotes qui vont défendre la nation s'imprégner de l'esprit de cette chanson. Un escalier de fer, un couloir étroit et obscur. Au fond de ce couloir, une porte entrouverte, d'où nous parviennent les accords d'une musique qui en ce lieu paraît irréelle. C'est le côté obscur de la force. Oui, quelques jours plus tard, armés d'une force obscure mais salvatrice, les volontaires marseillais prennent la route pour Paris afin de rejoindre les autres fédérations pour aller se battre. Ainsi, tout au long du chemin du Vieux-Port aux Champs-Élysées, les patriotes phocéens chantent la Marseillaise. Ils arrivent à Paris début juillet, épuisés par cette longue marche. Mais bon, faut dire aussi que ces hommes du Sud n'étaient pas très bien chaussés. En espadrille, on a l'air d'un con, on a des ampoules, on danse le disco. En espadrille, ça pue les pieds. En espadrille, en espadrille, on rachète une paire au bout de 3 semaines. En espadrille, la, la, la, la. C'était un message de la collectivité des Tongs. En espadrille. Cela dit, même avec des pieds en charpie, après cette longue marche de Marseille à Paris, les patriotes phocéens prennent leur quartier dans la capitale, non sans impressionner la famille royale. Vois-tu, sous les fenêtres du palais des Tuileries, pour Louis XVI, Marie-Antoinette et leurs gamins, ces volontaires marseillais sont de véritables extraterrestres. C'est quoi ça? Alors c'est ça, un martien. Oh, c'est moche. Je ne veux pas recevoir cette chose dans ma maison. Oh, chérie, il le faudra bien. Le peuple veut que je parlemente avec eux. En tout cas, ils n'auront pas droit à mon service en porcelaine. Oh, la taille de la cervelle. Ça doit vraiment être une lumière. Regardez, quelle horreur. Eh bien, il n'est pas nécessaire pour Marie-Antoinette de sortir son service à porcelaine puisque le 10 août 1792... le peuple de Paris, soutenu par les patriotes marseillais, envahissent le palais des Tuileries. Effrayé par les phocéens révolutionnaires, Louis XVI tente alors de trouver une porte de sortie. Ils sont nombreux. Ils sont armés jusqu'aux dents. Je suis léger en effectif, léger en armes. Mais l'impasse est tortueuse, sombre et très étroite. Ils ne peuvent pas m'encercler. Parfois, vous pouvez inverser la tendance en choisissant bien le lieu du combat. Oui, sauf que les gardes nationaux, censés protéger le roi, retournent leur veste sous l'influence des patriotes marseillais et la garde nationale refuse alors d'ouvrir le feu sur le peuple. Résultat, Louis XVI se précipite à l'Assemblée nationale pour y trouver refuge, mais très vite, les députés décrètent son arrestation. La monarchie est mal en point. Et le soir même, les révoltés phocéens célèbrent leur victoire avec leur Marseillaise, elle aussi montée à Paris. Bonjour, c'est Mercedes et Jeannine. C'est un message qui s'adresse aux hommes. Bonjour les hommes. Eh, on va pas y aller par quatre chemins. Bonjour, quatre chemins. Bon, les hommes c'est tous des salauds, des égoïstes, des menteurs. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Dès qu'on a le dos tourné, c'est la quéquette à la main, c'est l'asticot qui se balade dans la culotte. C'est toujours les belles promesses. C'est les guibolles à Venise, c'est les chapeaux en Espagne. Alors ça suffit maintenant, on se calme. Les gros seins et les gros nichons, ça vous excite, hein? Pédé. Bon, c'est pas au vieux chimpanzé qu'on va apprendre à manger la banane. Alors on se remet l'asticot dans le slip et on se calme. Bon, on peut nous joindre tous les soirs au bar Le Balto à 19h. Et attention, hein? On n'est pas des filles faciles. Coquin, va. Coquinou. Oui, bon, bah, c'était le repos du guerrier pour la soldatesque marseillaise. Dans la foulée, nos patriotes phocéens quittent Paris pour renforcer la troupe des volontaires qui vont se battre aux frontières de la nation. Mais devant la puissance des armées prussiennes, certains redoutent de mourir pour rien. Néanmoins, une fois encore, le patriote marseillais trouve les mots justes pour relancer son courage, car bien sûr, il n'est pas question de mourir pour rien. Ça fait 20 ans que tu es là, rien branlé. Qu'est-ce que tu fais tous les jours, hein, dis-moi? Rien, nib. Tu t'en coulais à ce banc comme un aimant, là. Et Marseille, c'est pourri, en gland de ferme, c'est la misère, il n'y a rien à faire, et c'est tous des enculés. Arrête-toi un peu, Putain, hein. Espèce de complexé que tu es, bouge-toi un peu le cul, hein. Manga. Belzunce, fleuron des quartiers phocéens. Coincé entre la gare et le vieux port, on n'est pas les plus à plaindre. À domicile comme à l'extérieur, on sévit sur les cafards comme le bégon. D'où sort d'une ronde, Belzunce breakdown. Pour l'heure, chacun s'occupe comme il peut, à représenter le quartier, ouais, le quartier. Certains font des t-shirts et d'autres sont champions ou chanteurs reconnus. Tout ça sort de la rue, hein, qui le crut, pas eux en tout cas. Nous sortons d'une ronde, Belzins Rickden. L'ensemble de mon front, pas de rêve gars, une trêve d'or très peu. Les factions sont sur le qui-vive, on n'est pas à l'abri d'un sale coup. Beaucoup sont déçus, et ça cause des plaies à l'âme que l'on ne peut oublier. Impossible aussi d'oublier ceux qui sont tombés, bons ou mauvais. On en garde un souvenir impérissable. Si un jour je deviens vieux, ce dont je doute avec la vie que je mène, j'écrirai un book sur ce quartier. Belzins. Nous sortons d'une ronde, Belzins Rickden. Nous sortons d'une ronde, Belzins Rickden. Nous sortons d'une ronde, Belzins Rickden. Nous sortons d'une ronde, Belzins Rickden. Belzins Breakdown, c'est ici la dépression marseillaise du rappeur Booga, qu'il ne faut pas confondre avec Mon Petit Ourson, surtout si ici, on ne te connaît pas. Écoute, on ne te connaît pas, mais laisse-nous te dire que tu te prépares des nuits blanches, des migraines, des nervous breakdown, comme on dit de nos jours. J'ai une santé de fer. Alors maintenant, toujours en direct et en public, sur le vieux port, la panique au Mangin Palace poursuit son exploration de la planète Marseille en ouvrant dès à présent à 11h26 sa séquence consacrée aux informations du lointain. Car cette semaine, dans les sous-sols sinueux et obscurs de l'INA, les voix des fantômes de la radiodiffusion française étaient en rébellion, dis donc. Allons enfants de la patrie, leur jour de gloire est arrivé. Et notre Bernard l'ermite, planqué dans sa boîte d'archives, a écouté attentivement les accents de cette exaspération. Ainsi, tends bien l'oreille et découvre ici la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, nous étions en rébellion. Alors jeudi soir, nous avons organisé une manifestation où chacun pourrait exprimer son exaspération. À vous Marseille. Serge Heurdéquian a parlé le premier. Quand j'étais petit, j'allais en colo. Bon, il y avait des gamins qui venaient de toute la France, là où j'allais. Donc l'un s'appelait Paul, Henri, François, machin. Et moi, je m'appelais Marseillais, quoi. Et c'est à l'armée, c'est pareil. Il y a quand même un aspect un peu étonnant, là. C'est que tout le monde a un prénom et le Marseillais s'appelle Marseillais. Mais très vite, les flics ont débarqué. Et les contrôles d'identité ont commencé. Alors tout de suite, Paul Prébois, carte de visite, carte d'identité. Je suis né en 1927 à Marseille. Qu'est-ce que ça donne l'anglais avec l'accent marseillais? Dites-nous quelque chose, par exemple. Ah, what do you want? Même Fernandel était traumatisé, au point de tenter de déguiser sa langue. Alors, puisque nous commençons la leçon journalière d'anglais, voulez-vous me poser les premières questions en anglais, puisque vous m'avez promis de ne pas me parler français. Je suis à vous. What is this? It is a box. What color is the box? The box is red. Épouvanté par l'accent anglais de Fernandel, Yves Montand s'est enfin décidé à sortir de sa cachette. D'ailleurs, je dois vous dire une chose, c'est pas que je veux renier que je viens de Marseille, c'est pas ça. J'ai essayé de perdre un peu l'accent marseillais. J'ai essayé parce que, par exemple, un grand monsieur comme Monsieur Fernandel, par exemple, ou Rému, ils avaient campé leur personnage là-dessus. Oui, puis enfin, l'accent de Marseille était pris. Fallait pas prendre celui de Paris parce qu'il était pris aussi par Chevalier. Oui, alors pas, ça allait s'arrêter entre les deux, voilà. Oui, c'est ça. Et ça fait même pas l'accent lyonnais, allez donc comprendre comment il a fait. Je sais pas non plus. Comme tout le monde s'ennuyait au poste de police, Marcel Pagnol s'est dévoué pour nous raconter une histoire. L'action se déroule sur le vieux port. Conversation au bord de la Méditerranée. Les petites vagues écumantes et deux promeneurs, deux hommes qui flânent en regardant tomber la nuit. Le jeu des questions, des souvenirs. Lorsque vous écriviez Marius, vous pensiez que cette pièce ne pouvait s'adresser qu'à un public spécifiquement marseillais. Est-ce exact? C'est absolument exact. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je l'écrivais, c'était pour m'amuser. J'aurais beaucoup joué dans le monde entier, ce qui m'a le plus étonné, n'est-ce pas? Que cette pièce que j'avais écrite pour le cours Belzunce à Marseille, j'ai des photographies, des représentations à Abo, en Finlande, à Bergen, dans des petits ports suédois, c'était très étrange. Les critiques étrangers m'ont dit c'est justement parce que c'est très marseillais, que c'est très local, et c'est extrêmement intéressant pour les gens de l'étranger. On joue aussi au Japon, Marius. J'ai des éditions ici japonaises. Je n'aurais jamais cru ça quand j'écrivais. Et le conte de Marcel a eu un vrai succès au pays des fées. Elles l'ont même appelé pour le remercier. Service à Provence, bonjour. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques temps, avait appelé Ribambelle. Oui, bien sûr. Une amie, qui est la cousine de Craquignoul. Oui. Et en fait, moi, je suis la sœur de Craquibelle. Je suis Riquignoul. La grosse fée. La grosse coquine des fées. Riquignoul. Service à Provence, bonjour. Oui, elle vous a appelé? Qui ça? Mais Riquignoul. Oui, oui. Mais moi, je suis sa cousine de Marseille. Vous êtes qui? Mais je suis Pachol Enchanté. La sœur de Pantoufle. Non. Si. Merci beaucoup, Flora Bernard, d'avoir mis l'accent tonique sur les voix des fantômes de Lina. Et pour nous maintenant, la voie à suivre, c'est celle de notre décrochage régional pour nos actualités locales et foutraques, direction Gros Boule les Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Borgia Palace, installé ce matin sur le vieux port de Marseille à 11h31, il est temps de retrouver nos deux héros délocalisés, à savoir Monique, la Joliette, et Jean-Claude, le vieux port bien sûr. En effet, hier, le tout gros boule a débarqué à Marseille puisque Monique, Jean-Claude et leur mioche, Rémi et Elsa, sont arrivés sur zone afin d'assister à la fiesta des Sud. Enfin, soyons précis. C'est Monique qui voulait absolument venir ici, car elle a toujours rêvé d'être une punk est-allemande. Et elle a entraîné toute la Smala pour assister au concert de Nina Hagen. Elsa est ravie d'accompagner sa daronne. Quant à Rémi et Jean-Claude, comment dire? Je trouve ça débile qu'on soit venu ici. Je suis entièrement de ton avis. On n'est pas de leur monde. C'est la foire au siphonné ici et aux branquignoles. Mais tu ne risques rien parce que tu es comme moi. Je suis comme toi. Bien sûr. Ils disent que nous sommes bornés, que nous avons l'esprit trop étroit. Moi, je dis que c'est pas avoir l'esprit étroit que de rejeter les idées qui nous effraient et qui nous mettent mal à l'aise. Ouais. On s'en tape qu'ils disent que la vie nous effraie, parce que la vie est réellement effrayante. La vie, c'est se dévorer les uns les autres. Moi, je dis, laissons les autres aller se dévorer joyeusement entre eux. D'ailleurs, cette philosophie de la vie par le Jean-Claude a aussitôt donné à Monique l'idée d'aller dévorer un morceau. Ça tombe très bien, puisqu'elle connaît un super petit restaurant encastré dans l'écrin d'une placette du quartier du Panier entre le Vieux-Port et le boulevard des Dames. Le quartier du Panier, Jean-Claude qui n'a jamais mis les pieds à Marseille, ça l'amuserait plutôt d'y mettre la main. Quand tu donnes dans ton panier du fromage, quand tu donnes dans ton panier du fromage de chez Morel. Tiens, d'ailleurs, Monique dégusterait bien un plat à base de morel tubéreuse, autrement dit de pommes de terre. Et c'est ainsi que nos gros boulets s'installent à la table du petit bistrot à vin dégoté par Monique. Et le gargotier leur fait l'article. On a en poisson une rouille de sèche, et aussi typique de la région, un gâteau de morue pommes de terre avec un aioli crémé. Et si vous aimez ça, bien sûr, on a la spécialité marseillaise incontournable avec les pieds paquets, qui sont des tripes d'agneau et des pieds d'agneau. C'est un plat de grand-mère, on a eu beaucoup de problèmes pour le lancer, parce qu'on est en concurrence avec des grand-mères, avec des mamans, avec des tatas et des tontons. C'est culturel chez nous, le pied paquet. Si vous aimez tout ce qui est abat, tout ce qui est tripes, il faut absolument goûter ça, quoi. C'est vraiment typique de Marseille, faites-vous plaisir. Se faire plaisir avec des tripes. Mais pour Monique, c'est une évidence. D'après elle, les Français ne mangent pas assez d'abat. C'est un grand tort, puisque pour Monique, la tripe peut changer la vie. On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Eh oui, c'est comme ça que Monique conçoit la vie. Et elle se dit au passage que Marseille fleure tout de même la belle qualité de vie. Mais Monique rappelle aussitôt à Jean-Claude qu'ils ne sont pas venus ici pour rester vautrés toute la journée au resto. Le but du voyage, c'est de voir le concert de Nina Hagen qui se produit à la Fiesta des Suds. Et Monique charge alors Jean-Claude de trouver 2 billets pour ce concert. Bon, il s'y colle, mais sans trop savoir où, à Marseille, trouver des places pour ce concert de Nina Hagen. Il essaie bien quelques magasins, mais en vain. Oui, ben désolé, nous sommes dans un magasin lingerie, mais Nina Hagen... Non, il n'y a pas de Nina Hagen dans ce magasin. On est dans une boutique de lingerie et on ne fait pas de gaine. Pas de gaine chez nous, non, pas de gaine. Très vite, Monique reprend les choses en main. La Nina Hagen est à la Fiesta des Suds, ils la verront coûte que coûte. Et c'est donc en quelques stations de métro que Monique et Jean-Claude débarquent au dock où s'est installée la bodega de la Fiesta des Suds. Monique arrive juste à temps pour le concert de Nina Hagen, alors que Jean-Claude, lui, découvre une autre facette du festival, à sa grande joie d'ailleurs. Oh, dis donc, c'est classe, hein. Il est pas beau, le bar. Qu'est-ce que t'en penses, Matt? Ah, ça a de la gueule, non? Tu te lances dans le showbiz? Ah oui, il y en a marre des cutéreux. Place aux raffinés, au spectacle musical et culturel, c'est beaucoup moins cher. Et ça rapporte. Et en effet, de la buvette où il s'est installé, Jean-Claude entend le début du concert de Nina Hagen sur les docks à Marseille. Oui, c'est Nina Hagen au micro. Einen recht schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen einen recht guten Empfang. Oui, j'ai gardé l'accent qu'on attrape en naissant du côté de Marseille. C'est l'ail du potager, l'huile de l'olivier. Et Jean-Claude s'aperçoit alors à quel point on ne peut pas être insensible à l'âme de Marseille. Passe quelque temps ici et tu en ressors transformé. Tiens, d'ailleurs, Jean-Claude lui-même, pourtant très réticent à la musique punk, perçoit maintenant tout autrement Nina Hagen. Ce soir, Nina, comment s'aimera? Je pourrais te griser de folles caresses et m'enivrer du parfum de ta jeunesse. Ce soir, Nina, oui, tu verras. Tous les deux, nous vivrons leur enchanteresse. Je t'aurai dans mes bras, Nina. Seulement voilà, Jean-Claude doit abandonner Nina, puisqu'il est l'heure pour lui, Monique et ses mômes de repartir Fissa. Alors, comme tous les deux veulent rester dans l'esprit du coin, ils choisissent le moyen de locomotion qui a fait le succès de Marseille, celui que Samy Nasseri n'a jamais renié, ce véhicule automobile qui traverse en trombe la Canebière. Allez, tous en voiture et à donf! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord du petit train de la Bonne Mère. Ce voyage vous fera découvrir quelques-uns des plus beaux monuments de Marseille. Du vieux port à Notre-Dame, en passant par la Corniche, les forts, le Faro, l'abbaye Saint-Victor n'auront bientôt plus de secrets pour vous. Ladies and gentlemen, welcome on board the petit train de la Bonne Mère. On this journey, you will discover a few of the most beautiful monuments of Marseille. The Old Harbour in Notre Dame, the Cornice, the Forts, the Pharaoh, the Saint Victor Abbey will soon no longer have secrets for you. Bien, alors maintenant, toujours en direct du Vieux-Port, à 11h39, après avoir découvert comment hier, Monique et Jean-Claude ont passé leur journée à la poursuite de Nina Hagen sur les docks de Marseille, il est l'heure bien sûr désormais de retrouver notre petit reportage Made in Panic. Et cette semaine, dans son dictionnaire imaginaire, l'expression qui compte triple pour monsieur Julien Dugast, c'est évidemment « peu cher ». Intrigué par cet étrange vocable, notre facétieux reporter a décidé d'en savoir un peu plus. Et pour ce faire, il est allé à la rencontre ces deux derniers jours de trois figures marseillaises. Un triptyque où nous allons croiser la Fiesta des Suds, puis l'Olympique de Marseille et le rap des quartiers nord. Ainsi, à l'heure où le pouvoir d'achat va de Caribe en Scylla, découvrons ensemble, juste après la virgule, ce que signifie réellement « peu cher ». Avec les lettres W, Q et T, je forme le mot WACT. On va faire les choses simplement, comme quand on se rencontre. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bernard Aubert, donc, créateur de la Fiesta des Suds et directeur artistique. Et une gueule du coin, un petit peu. Oui, je suis plutôt nîmois que marseillais. Je suis du Languedoc, mais marseillais d'origine, corse mélangé avec des Suisses, ça fait bon, c'est Marseille. Alors salut, c'est Saïd, chanteur de soul musique française, produit par le label d'Akhenaton et mon directeur artistique est Shuriken. Michel Hidalgo, 75 ans, joueur professionnel, entraîneur de l'équipe de France et puis jouisseur de la vie, voilà. Une consonne, deux voyelles, peu. Trois consonnes, deux voyelles, cher, peu cher. C'est une expression qu'on entend ici, on ne s'est jamais posé la question. Il paraît que c'est simplement « oh, peu cher », c'est une forme de compassion, d'être amical. Vous, c'est une expression que vous employez ou non ? Non. C'est encore les vieux Marseillais. Non, les anciens Marseillais, ils sont pas vieux. Ils sont toujours jeunes de caractère. Mais c'est quelque chose qui disparaît quand même de plus en plus. Hein. Pêcheur, ça veut dire le pauvre, il me fait de la peine. Enfin, tous les mots qui puissent rejoindre ce mot d'une personne qui est vachement mal, en fait. Pêcheur. Mais c'est une expression qui est exclusivement marseillaise et surtout employée par la plupart des femmes en fait. C'est la majorité, c'est les femmes qui emploient ce mot-là. Ah bon, pourquoi ? Ben je sais pas, je pourrais pas te l'expliquer. Moi, la première fois que j'ai entendu une personne dire pêcheur, ça venait de la bouche d'une femme. Et ce n'est qu'avec le temps, étant donné que je suis marseillais, ce n'est qu'avec le temps que j'ai su ce que ça voulait dire en fait. Alors, pêcheur, c'est oui, bien sûr, c'est une injonction intéressante. C'est en provençal véritable, c'est pécaïre. C'est pas tout à fait pareil. Peu cher, c'est une vision française de l'histoire. En fait, quand on dit peu cher, on a l'impression toujours de dire que oh, vraiment peu cher. Peu cher, ça veut dire, comme on peut le décortiquer, peu cher. Mais c'est aussi une façon de dire, on a vu, il est vraiment à plaindre. On aimerait bien l'aider quelque part. C'est vraiment quelqu'un qui est un peu cher. Et ça, toute cette expression-là est devenue de plus en plus usitée ici, parce que c'est vrai qu'à Marseille, très souvent, on a cette attitude un peu physique même de dire. Mon Dieu, qu'il est malheureux, vraiment peu cher, comment on pourrait l'aider ? Tout juste ! Et la petite Fanny, c'est la même chose. Elle attend, elle aussi, le facteur. Là, ça va peu cher, alors. Elle va sûrement mourir d'estrancier. Oh, peu cher, il a rien du tout, comment on pourrait l'aider ? Voilà. C'est en général, c'est une personne qui est plus dans le besoin. Quand on dit peu cher, c'est plus une personne qui est dans le besoin qu'autre chose. À la grande période du milieu marseillais, le fait de parler d'argent comme le peu cher, c'était intéressant, ça. Ça voulait dire, en fait, il ne vaut pas grand-chose, laisse-le tomber, quoi. Ça ne vaut pas le coup. Et petit à petit, à l'usité de l'histoire, devenu que c'est plutôt l'inverse. C'est qu'on plaint la personne qu'elle n'a pas les moyens de faire face à ses problèmes. Vous achetez des pommes chez votre fruitière. Une voisine vous dit, elles sont un peu chères. Eh bien, peu cher, ça c'est marseillais. J'ai même pas pris l'accent, ou l'accent, comme ils disent ici, mais je les aime bien, j'aime bien rencontrer les Marseillais qui ont un certain âge et qui perpétuent un petit peu le parler et puis les expressions et en même temps le mode de vie des vrais Marseillais. Eh, peu cher. Merci beaucoup. Alors, quant à moi, je prends mes 3T et mes 3X, ce qui donne le mot... Pas l'animal aquatique nocturne. Oui. Oui. Alors, évidemment, dans le registre des expressions typiquement marseillaises, nous avions le choix. Par exemple, nous aurions pu chercher à comprendre ce que signifie cagole, bonne mère ou encore jobastre. Mais nous avons surtout beaucoup hésité entre peu cher et minot. Car c'eût été d'actualité, puisque chacun sait que ces derniers jours, un minot de 23 ans des quartiers ouest de Paris fait tout pour flinguer la gloire de son père, notre président du pouvoir d'achat peu cher. Eh ben, tu l'as réussi, ton petit minot. Tu l'as réussi. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un fils pareil? Tu l'as réussi, ta provoque. Non, mais dis donc, t'as vu ta tenue? T'as vu ta tenue qui t'a gardé dans la glace? Hein? Costume sur mesure, cravate assortie, lunettes écailles Made in England et attaché caisse. À 23 ans, quand je pense que ta mère et moi, on a le même blue jean depuis mai 68. Et ta chambre, sa chambre. Alors, parlons-en de sa chambre. Explique-moi. C'est une chambre d'hosto, tu désinfectes ou quoi? Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin. Préparer le pastis et sans cesse raconter des blagues avec les mains. Les courageux prennent leur canne et vont eux-mêmes la pêcher. Mais le poisson passé ricane, y a plus qu'à l'acheter au marché. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bonbon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin. Préparer le pastis et sans cesse. Une langouste est nécessaire, de la baudroie et des favouilles, 12 rascasses, un petit Saint-Pierre, huile, safran, ail et fenouil. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bonbon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin, préparer le pastis sans cesse. Des les mains. On invite une belle petite Marie-Louise ou bien Ninon. Ensemble on remue la marmite en se bécotant tout le long. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin. Préparer le pastis et sans cesse. Raconter des blagues avec les mains. Il faut bien attiser la braise, Ninon le fit ingénument. C'est ainsi que les Marseillaises éprouvent leur tempérament. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin. Préparer le pastis sans cesse. Raconter des blagues avec les mains. On laisse un peu la bouillabaisse pour pétanquer au cabanon. On tire et on fait des prouesses. Quand on revient, il n'y a plus de bouillon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse. Ah, mon Dieu, que c'est bon, bonbon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse. Ah, mon Dieu, que c'est bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse. Ah, mon Dieu, que c'est bon, bonbon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse. Ah, mon Dieu, que c'est bon. La bouillabaisse, c'était la recette que nous proposait en 1950 l'inoubliable Fernandel, le local de l'étape qui savait cependant dépasser le cliché d'une Marseille réduite à la bouillabaisse et au pernaut. Ah ! Plat bien français dont on vous parle souvent dans ce journal, de la choucroute à la tête de veau, en passant bien sûr l'été par la bouillabaisse. Dans le Midi, c'est une institution, deux spécialistes de la bouillabaisse. Nicolas Sarkozy, avec Madame Sarkozy. La bouillabaisse est un plat typique et convivial qui, dit-on, rassemble les cœurs et éclaire les âmes, un peu comme le soleil qui rend si bleu la Méditerranée. Alors maintenant, à 11h48... nous retrouvons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit afin de compléter au mieux. On accueille Monsieur Mauduit. Allez, allez, voilà. Donc, afin de compléter au mieux notre petit tour d'horizon déjanté de l'actualité, ainsi la panique au Manche à Palace ouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons trois ou quatre fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Alors, comme tout palace qui se respecte, le Mangin Palace, bien sûr, dispose d'un petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Et afin de ne rien oublier d'essentiel, Monsieur Mauduit, ici présent donc, s'est chargé pour nous de feuilleter la presse. Bonjour Mauduit. Salut Colin. Alors, que nous raconte la presse cette semaine? Il y a du monde, il y a du monde, Philippe. Ah oui, oui, oui, oui. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup. C'est très impressionnant. Alors, Philippe, à force de lire les journaux cette semaine, j'ai développé un très fort sentiment d'empathie avec notre président. Le pauvre homme, toute la presse l'a souligné à cause de l'affaire de son rejeton. Le monde entier se moque de la France et de la berlusconisation de nos institutions. Et... Pardon Philippe, j'entends dans mon casque une remarque d'un auditeur. C'est Nicolas qui nous écoute de Paris et qui nous dit que les juges et les lois, ça lui fait pas peur, qu'il va tout casser si on touche aux fruits de ses entrailles. C'est son fils Sabataille. Non mais écoutez, faut le comprendre. C'est très difficile d'être sans cesse observé, moqué par tout le monde et de se sentir différent. C'est un peu ce qui est arrivé à un couple d'amoureux dont le Corriere della Sera nous apprenait mercredi dernier l'étrange aventure. Ces tourtereux de Trévis en Ombrie, au centre de la péninsule italienne, n'avaient qu'un seul désir. Le mari et sa femme voulaient faire une croisière de rêve sur un gros paquebot. C'est un peu comme Jack et Rose sur le Titanic où les glaçons seraient seulement dans les piña colada. Et alors, ce couple de lovers italiens, ils ont pris le catalogue d'une compagnie de navigation, c'est les Grimaldi, rien à voir avec les autres là sur le rocher. Et alors, le 19 septembre dernier, ils ont embarqué sur un navire direction Barcelone. Le rêve pouvait commencer. Alors à leur grande surprise, arrivés à bord, ils n'ont pas trouvé Julie, notre hôtesse, ni Isaac, ni le commandant Stubbing, surtout pas Gopher non plus, personne. Alors, c'est normal, ils se sont trouvés au cœur de la première croisière gay et lesbienne organisée en Italie. 1500 passagers, ils étaient les seuls hétéros, ils ont eu très très peur. Ils sont restés enfermés dans leur cabine pendant toute la croisière. Et au retour, ils étaient un peu coincés du bulbe, ils ont porté plainte contre la compagnie. Eh ouais, alors le Parlement italien vient de retoquer une loi contre l'homophobie. On va voir s'il reconnaît pénalement l'homo-solitude. C'est pas facile, l'hétéro-solitude non plus. Alors parfois, il faut faire des efforts, Philippe, pour être adapté aux circonstances. Le Figaro, du 9 octobre dernier, nous apprenait la situation complexe de deux zèbres. Les deux seuls zèbres du zoo de la joie dans la bande de Gaza. Enfin, des zèbres, c'est à préciser, hein, parce que ces animaux du zoo sont tous morts de faim pendant l'offensive israélienne en janvier dernier. Et comme le blocus de la bande de Gaza empêche l'importation de nouveaux bestiaux, le directeur du zoo a eu l'idée de peindre deux bourricots. Il les a peints, alors on ne sait pas trop si c'est en blanc avec des rayures noires ou l'inverse, mais écoutez, l'information serait juste anecdotique si le Figaro n'en profitait pas pour redorer le blason de la France. Et oui, au passage, ils ont tenté de faire plaisir à notre président en soulignant que cette teinture était française, la meilleure selon le directeur du zoo de Gaza. Voilà, un petit coup de peinture comme ça, rien de tel pour arranger la réalité. Tiens, d'ailleurs, pendant qu'on y est, on est dans le Figaro, l'édition de vendredi, avant-hier donc, nous offre un long entretien dans lequel Nicolas Sarkozy revient sur la polémique autour de la promotion de son fiston. On en parlait il y a quelques secondes. Il est revenu là-dessus. Ah oui, il a tout expliqué. Ah, oui. Ah non, il a dit ce n'était pas une prébende puisque le poste n'est pas rémunéré. Effectivement. Bien sûr. Ce n'est pas du népotisme non plus. Il ne s'agit pas d'une élection. Et surtout, il nous dit que la méchanceté des commentateurs ne trompera pas les Français. Les gens ne sont pas trompés. Non, il a raison, ce sont tous des jaloux. Tous ceux qui disent que c'est étonnant qu'un jeune homme de 23 ans sans diplôme arrive à la tête d'un des plus grands quartiers d'affaires d'Europe. Oui, alors, moi je pense que tous ces commentateurs indélicats n'avaient qu'à faire comme Nicolas Sarkozy ce mois-ci, c'est-à-dire lire Pédagogie Magazine, le mensuel qui propose de réussir sa vie de parent. Oui, parce que Pédagogie Magazine, titre, motivation, trouver le déclic. Voilà, ils l'ont trouvé, il n'y a pas de problème. Et une analyse très fine de Philippe Lucas sur la fabrique de champions qui nous dit « En France, il y en a du Manodou ». Voilà, espérons qu'il n'y en ait pas trop. C'est plutôt le magazine Parents qu'a lu notre président qui propose un article intitulé « Savez-vous lui donner confiance en lui ?» avec cette formule un peu définitive. Un tout petit a besoin de s'appuyer sur l'épaule de son papa. Voilà. Ah bon, excusez-moi, encore dans mon casque, j'entends un auditeur de Cherbourg, mais c'est loin, qui nous dit qu'après s'être appuyé sur l'épaule d'un papa qui a le bras long, un petit coup de main et un coup de pouce, ça ne fait pas de mal. Daniel, cessez vos moqueries, c'est son fils, Sabataille, attention, respect. Alors oui, non, il faut protéger ses enfants, c'est normal et c'est important. Et d'ailleurs, à ce sujet, Libération de lundi dernier nous raconte une histoire de deux enfants, de la patrie, deux enfants que la France renie. Deux militaires, l'un du 1er régiment de hussards, parachutiste de Tarbes, qui a servi en Afghanistan, qui est revenu. L'autre, son frère, ancien soldat au 12e régiment d'artillerie d'Oberhofen. Ces deux Français, nés de père français, engagés dans l'armée française, donc avec des papiers en règle, parce qu'on rentre pas dans l'armée comme ça, se voient aujourd'hui contester leur nationalité. Alors pourquoi ? Le papa sénégalais, résident en France au moment de la décolonisation, 1960, avait le choix. Donc soit il prenait la nationalité sénégalaise, soit la nationalité française. Il a obtenu légalement la nationalité française en 1960 donc. Et depuis, l'interprétation de la loi a changé comme ça. Aujourd'hui, l'administration refuse de reconnaître cette nationalité. Alors Philippe, ça fait un petit peu peur. Hein. On se dit quand même qu'il suffit de peu de choses pour basculer d'un côté ou de l'autre si vous êtes le fils de l'un ou de l'autre. Mais d'un coup, entre népotisme et sclérose des valeurs républicaines, Philippe, pour éviter la honte et la déprime, j'ai cherché, j'ai fouillé toute la presse et j'ai fini par trouver l'information qui peut nous rendre fiers. Mais vraiment très fiers. C'est une dépêche de l'AFP. Elle nous apprend que le week-end dernier, avec 918 kilos et 3 mètres de long, sans népotisme ni prébande, la France est devenue championne du monde de la plus grosse terrine. C'est énorme! Merci, Moji, merci beaucoup! Merci! Alors, merci pour cette formidable revue de presse. À la semaine prochaine à Paris, monsieur. Le kiosque referme ses portes. Voilà. Fin du 175e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était les actualités revues et corrigées par la bande de furieux du Mangin Palace, en public et en direct de Marseille. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup sur le Vieux-Port et sur les ondes. Et en premier lieu, à toutes les équipes techniques de Radio France qui ont réalisé un boulot impeccable depuis 3 jours. Vous êtes de vrais pros. Et c'est pas facile une émission comme ça en direct. Et merci à eux. Voilà, merci aussi beaucoup à l'équipe de la Fiesta des Suds pour son accueil et sa bodega géante. Panique au Mangin Palace, c'est une émission coécrite. Les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux sur qui je compte beaucoup et que je remercie très chaleureusement. Merci à toi, monsieur Xavier. Au platine, au montage et à la réalisation. Il y a bien sûr ce matin le maestro H2M, Henri Marc Mutel. Merci beaucoup, Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Lidwin Caron, de Laurent Macchietti, de Sébastien Huel, de Gilles Manet et de Benoît Chapon. Merci beaucoup à vous tous. C'était impeccable. Pour toute la documentation et la préparation des clips sonores, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, Julien Dugas, Claire-Sophie Collet, Yvan Vogelet, Elsa Denac. Pour les scuds et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère pour toutes ces idées complémentaires, ainsi qu'au formidable documentaliste de l'INA et à Marion Cross, notre stagiaire. Toute l'équipe de La Panique est là, elle est venue vous voir à Marseille et on est très content d'être venu ici. Voilà, pour toutes les informations supplémentaires, La Panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com. Vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit le podcast. La journée continue sur France Inter après le flash. Vous retrouvez Marie-Pierre Blanchon avec sa recette du crumble et à 17h, retour à Marseille avec nos deux lascars de l'Afrique enchantée. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve dès samedi à 11h pour la cellule de dégrisement, l'actualité culturelle à la sauce panique. Et dimanche prochain, toujours à 11h et en direct sur France Inter pour un nouvel épisode du Mangin Palace. Mais en attendant, d'ici là, un seul mot d'ordre. Surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao.